plus résilient dans la France. Il y a du fromage aussi. On ne sait pas faire ça. Blanc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. on s'est perdu. Retrouvé. Sur les marches du palais. Ôte maintenant tes souliers. Belote de buée, car ici désormais, c'est la demeure d'un seul. Accepter la domination. Reproduction.

ailleurs. Civilization is not the end of the world. The end of the civilization is not the end of the world. Of the peace. No. Occuper le terrain, quelles que soient les conditions. Ne plus attendre, ne plus espérer. Faire. Chanter. Produire du son. Défendre des mots. C'est la beauté du monde. C'est la beauté du monde. C'est la beauté. C'est la beauté. C'est la beauté du monde. C'est la beauté. Un peu de boost, un peu de fun. Un peu de fun. Ça dépend ce que t'aimes. Plein de possibilités. laisser pour se décorporer. De nos jours accessibles. Voilà les gars. I once was a player, but now I'm going strong too. When with you. We are Goa. Maintenant, ouais, c'est cool, c'est génial, merci, cool, thanks, bye bye.